Léonce Huitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies est de nouveau en visite à Bujumbura. Il a rencontré ce lundi le médiateur national pour, dit-il, une visite de courtoisie. Une grenade a été lancée dans un bar au cours de la nuit de dimanche à lundi dans la commune Gatara en province de Kayanza. Au moins 8 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. On fait le point dans quelques instants. Dans ce journal également, des experts de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale se sont rencontrés ce lundi à Bujumbura. Ils ont la mission de préparer une réunion des ministres de l'économie, des finances et de la planification des 11 pays membres, laquelle réunion est prévue jeudi 13 juillet, toujours dans la capitale burundaise. Et puis, le dépotoir se trouvant dans le site de Mubone en zone Ewuterere au nord de Bujumbura dégage une mauvaise odeur, mais paradoxalement, certains des habitants y gagnent leur vie, même si d'autres craignent pour leur santé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi est de nouveau à Bujumbura. Il a effectué une visite de courtoisie auprès de l'ombudsman burundais. Les deux hommes, Michel Kafando et Edouard Nouimana, se sont encouragés à œuvrer ensemble dans le but de faire avancer la cause burundaise. Les précisions de Joseph Nsabiyabandi. La deuxième visite de l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi s'inscrit dans le cadre d'échanger avec les autorités du pays avec qui il n'a pas pu s'entretenir lors de sa première visite. C'était vers la fin du mois de juin dernier. Michel Kafando dit qu'à cette nouvelle occasion, il s'est entretenu avec diverses personnalités importantes du pays, dont l'ombudsman burundais. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à M. l'ombudsman et je dois vous dire que nous avons eu des échanges fort utiles et m'encourager dans mes nouvelles fonctions. Et je l'ai également encouragé dans tous les efforts qu'il entreprend dans son rôle de médiateur pour qu'ensemble nous arrivions à trouver des solutions pour faire avancer la cause du Burundi. Selon des sources qui émanent du ministère des Relations extérieures, l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi a commencé sa visite vendredi dernier, laquelle visite et prend fin ce lundi. Merci Joseph. Un corps sans vie d'une vieille femme, Joséphine Nakobanfitiye, 65 ans, a été retrouvée sur la colline Gabiro Luvyagira, c'est dans la commune Rugombo en province de Cibitoke au nord-ouest du pays. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées jusqu'ici, à en croire du moins Benone Nyonguru, le chef collinaire, de même que la police. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Sécurité encore pour vous dire que 8 personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessés au cours de la nuit dernière dans un bistrot à Chinya. C'est dans la commune de Gatara, en province de Kayanza, au nord du Burundi. Au moins 10 parmi les blessés se trouvent dans un état critique selon des informations administratives et policières. Les bourreaux ont pris le large directement après le coup sans être identifiés et les enquêtes sont déjà en cours. Le point avec Apollinaire Muzagara. C'était aux environs de 20h ce dimanche, lorsque des malfaiteurs ont lancé une grenade dans un bistrot de cette colline Chine. 10 personnes ont trouvé la mort sur le champ, et une soixantaine d'autres blessés, dont 10 grièvement, indiquent des sources administratives et policières d'Okayan. Les blessés ont été vite évacués vers différents centres de santé et hôpitaux de cette province. Selon les mêmes sources, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autres personnes parmi les blessés sont décédées ce lundi matin. Le directeur général de l'hôpital Kayanza, qui était sur les lieux, a échappé à la mort. Son véhicule a été endommagé par les éclats de cet ange. Les malfaiteurs ont aussitôt pris le large après le forfait et personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. L'administrateur de la commune Gatara, Devotilaïveye, indique néanmoins que des enquêtes ont déjà commencé pour tenter d'appréhender ces malfaiteurs. De Kayanza, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et le porte-parole de la police burundaise confirme l'attaque. Pierre Ngurikiye la qualifie de terroriste et précise qu'elle visait le directeur général de la Sogestal, Kayanza. Il ajoute que les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs. Il s'agit d'un acte de terrorisme. Un terroriste a jeté une grenade sur une population et la grenade a tué sur le champ 4 personnes et en avait blessé 54. Mais malheureusement, ce matin, deux blessés avaient déjà succombé aux blessures, tandis que deux autres viennent de succomber à l'instant même. À côté des gars, il y a eu aussi un véhicule qui a été légèrement endommagé au niveau du radiateur et des pneus. Et un véhicule qui appartient à l'ingénieur Nzambimana Claude, qui est le directeur général de la Sogestar, station de gestion et de lavage qui traite du café. Visiblement, l'attaque visait cette personnalité. Mais Dieu merci, il en est sorti indemne. L'enquête a immédiatement commencé et la police recherche actuellement très activement l'auteur de ce crime pour qu'il soit appréhendé et qu'il soit traduit devant la justice. Et l'appel à la population, c'est de rappeler que la population doit rester encore plus vigilante et dénoncer toute présence d'une personne ou d'un objet et pouvoir perturber la sécurité. Pierre Ngoulikier, le porte-parole de la police nationale, s'est exprimé à la presse dans la matinée de ce lundi. La radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, des experts provenant des 11 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont réunis à Bujumbura ce lundi. La capitale sont réunis dans la capitale burundaise. Ils sont en train de préparer une réunion des ministres en charge de l'économie, des finances et de la planification qui est prévue le jeudi 13 juillet. Le but de ce rendez-vous qui est aussi attendu à Bujumbura, c'est pour valider le plan stratégique 2016-2020 qui tourne autour de 4 axes dont le secteur de l'énergie et les grandes infrastructures comme le transport, selon le secrétaire général adjoint de la CIAC, le Burundais Abdallah Tabu Manirakiza, que je vous prie d'écouter. Pour faire face aux défis de l'intégration en Afrique centrale, les États membres se sont dotés en 2007 d'une vision stratégique qui consiste à faire de la CIAC d'ici 2025 un espace de paix, de prospérité, de solidarité, un espace économique et politique unifié pour un développement équilibré et auto-entretenu où chaque citoyen circule librement. Ce faisant, les chefs d'État et de gouvernement qui se sont appropriés du processus en donnant au secrétariat général le mandat de traduire cette vision stratégique en actions concrètes, qui serait de nature à améliorer les conditions de vie des citoyens, assurer la croissance économique et créer un environnement favorable au développement et à l'intégration dans les 4 axes stratégiques prioritaires identifiés qui sont primo, la paix, la sécurité, la stabilité. Secondo, les grandes infrastructures, notamment des transports et les TIC. Troisièmement, l'énergie, l'eau et l'environnement. Et enfin, le renforcement des capacités. Intervenant au moment où notre communauté s'est engagée dans un processus de réforme institutionnelle, l'objectif principal du plan stratégique à moyen terme de la CAC est de servir d'outil d'aide à la décision et de tracer le cheminement pour atteindre les objectifs définis par la vision 2025 de la communauté. La carence des produits Braroudi profite aux détenteurs de bistrots à Muyinga. Les consommateurs se lamentent que par endroits, les prix ont été majorés jusqu'à 600 francs burundais la bouteille de Primus et qui peut être vendue jusqu'à 2000 francs au lieu de 1400, le prix normal. De Donenze Imana pour plus de détails. D'après des détaillants des produits Braroudi à Muyinga, les approvisionnements sont de plus en plus difficiles. Cela occasionne la rupture des stocks et la hausse des prix de façon exorbitante. Dans certains débits de boissons, ce dimanche, une bouteille de Primus était vendue à 2000 francs, 600 francs de plus par rapport au prix officiel. Les gestionnaires des bistrots affirment que c'est dû au fait qu'on passe à provisionner dans d'autres provinces. Les consommateurs se plaignent. Certains cabaretiers regrettent que leur activité tourne au ralenti du fait que certaines variétés sont raréfiées depuis des jours. À quoi est due cette carence des produits Braroudi? Est-il logique qu'en conséquence, les vendeurs fixent les prix à leur guise? La Braroudi n'a pas encore réagi. Yodonen Zeymana, Domingapoula Radio, Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Une mauvaise odeur se dégage du dépotoir se trouvant dans le site de Mubone en zone Outerere au nord de la capitale Bujumbura. Mais bien que certains des habitants de la localité craignent pour leur santé, il y en a d'autres qui cherchent de la nourriture dans ce lieu de décharge publique. Les deux parties demandent la réhabilitation de la route menant vers cet endroit. C'est un reportage signé Mireille Kanyang. Arrivé à cette décharge de Outerere 2, l'on est accueilli par des mouches, des odeurs suffocantes qui s'y dégagent, de la fumée. L'on voit également des enfants comme des adultes qui tournent et retournent ces déchets solides à la recherche du charbon ou des restes alimentaires. Ce dépotoir public est la source de vie de certains. À titre d'exemple, ce sont des enfants que nous avons trouvés sous l'ombre des eucalyptus en train de boire de la bière de sorgho qui venait d'être déversée dans ce dépotoir. À côté d'eux, des sachets pleins de charbon. Plus loin, deux femmes préparaient des frites de patates douces, mais plein de mouches s'invitaient sur les ustensiles ainsi que sur les frites déjà préparées. Pour un jeune homme qui vient de passer une dizaine d'années à décharger les camions y déposant les saletés, cet endroit est sa source de revenus. Mon travail consiste à décharger les camions, amener les saletés ici. On parvient à avoir 1000 francs, avoir du charbon, du plastique et du fer. Nous sommes habitués à ces déchets. Nous avons grandi ici. Dire qu'on enlève ces déchets, beaucoup de familles en souffriraient. De son côté, Miburo Jean, que nous avons également trouvé à cet endroit, son vœu le plus cher est qu'une route soit tracée dans cette décharge pour faciliter le passage et que ce soit fait avant la période pluviale. La première chose que nous demandons, c'est de tracer les routes dans cette décharge qui part du tournant jusque chez Ayoubou sur la Goudronnée. Vous voyez, vous pouvez avoir un malade et le porter sur une civière, mais l'ambulance ne peut avoir où passer. À Outerere, nous avons un grand dispensaire, les écoles secondaires. Il y a des enfants qui proviennent de Maramvia, de Rubirizi et qui passent par ici. Près de ce dépotoir, il y a un étang d'eau utilisé par des enfants des alentours, voire des adultes. Les montagnes de déchets qui s'observaient un mois avant ont été aplanies par les services techniques et municipaux, nous ont indiqué ces habitants. Pour certains d'autres, cette décharge devrait être construite pour que ces déchets solides ne soient pas éparpillés d'un peu partout. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.